moi j'ai de l'Abitibi, moi j'ai un pays qui est un arbre fort, moi j'ai un pays qui pousse dans le nord. Dans ce pays qui était comme un œuf le 13 février 1932, je suis né à Vador en Abitibi, dans ce pays qui est encore tout neuf. J'avions connu Ernest Scott, vivait en de beaux boirons qui parlait aux hommes et aux tombes, qui chaque matin chaussait ses bottes pour aller comme Tito et bref, par la forêt avec ses nerfs. Qui n'avait pas de chainsaw, qui avait haché boxe, pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'or, pis du front tout le tour de la taille, pis qui n'était pas si bête. En 1910, en Abitibi, dans mon pays. Moi j'ai l'Abitibi, moi j'ai un pays qui est de lac bien rare, moi j'ai un pays où ce que le poisson mord. Quand j'étais petit, j'allions jouer au bois avec les épinettes et les bouleaux, j'allions gazouiller avec les oiseaux. Quand j'étais petit, je suivais le chars, sur ma petite scène qui venait en or, dans un banc de neige, je creusais maison, et dans la classe, j'écrivais ton nom. Et l'hiver à l'aréna, on patinait tout en tas, l'été près du lac plus loin, on faisait, on s'en vendait rien, on ramassait des balais, qu'on vendait pour presque rien. En 1900, en Abitibi, dans mon pays. Moi j'ai la vie de Tibi, moi j'ai le pays qui a un ventre en or, moi j'ai le pays qui neige encore. Dans mon pays conduit hors de la carte, mon oncle et mon travail est sous la terre, mais il creusait dans l'or sa propre mort, mon oncle et mon nous a mis sur la carte. Dans mon pays qui a grandi, il paraît qu'au tout premier temps, on y gagnait beaucoup d'argent. Y'a de l'or à bord qui dort ici, y'a même des poignées de porte en or, un cuivre en fer qui vend le bord. Quand j'aimions jouer dans la fanfare, pour les patins, tu l'étais tard. Quand j'allions au château-ville, pour rire avec des glaces, champignons contre les arts, on t'y m'a près de la mer. En Abitibi, dans mon pays.